Le groupe Bellucci, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans le Top Chrono Week-end, 1h30 de sport. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. C'est vrai qu'il a fait très très beau, il fait très chaud. C'est le printemps, hein, et le printemps, que des bonnes choses, puisque, tiens, je vous donne une petite anecdote. Mes tortues sont sorties de terre et j'étais très ravi de les retrouver. Voilà, t'as les tiens aussi, Marie? Eh oui, ben c'est parfait, on est très heureux ce soir de voir que le printemps est bien là, et bien pour savoir si notre ami Gilles a bien recoulé tout le week-end avec l'équipe des sports du côté de Saint-Jean-Royan, on va voir s'il est en forme. Bonjour Gilles. Pleine forme, après les bonnes ravioles de la maison La Taverne. Ah, Saint-Jean-en-Royan, voilà une bonne adresse, notez-la, La Taverne, c'est rien de compliqué, mais alors que c'était succulent. Et avec nous, Monique et 1,48. Salut l'équipe, bonne soirée. Voilà, pourquoi? Parce qu'on parlera sûrement d'athlétisme tout à l'heure, quand M. Didier Bougon aura trouvé le GPS pour pouvoir nous rejoindre. On va se retourner vers notre ami Henri, football ce soir, football toujours, football quand tu nous tiens. Bonsoir l'équipe et bonsoir aux éditeurs. Oui, je vais bien, je vais bien. Voilà, nous étions en villégiature du côté de Saint-Jean-Royan. Question de maigrir encore un petit peu avec les ravioles de Romain. Notre ami Jean-Yves était de la partie. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et effectivement, ces ravioles, elles étaient juste excellentes. Voilà, on en a dit. Et puis avec nous, bien sûr, elle est déjà colorée aux couleurs du printemps. C'est Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir tout le monde. En les entendant de parler, on n'est pas dans une émission de sport, mais plutôt de la restauration. Voilà, on aura bien sûr, tiens. Oui, dit-elle alors qu'elle annonce toutes les semaines des endroits où on peut aller gameler, tu sais. Voilà, c'est alors là, c'est un clin d'œil pour le magazine Horizon dans quelques minutes. Mais pour l'instant, vous êtes prêts? Restez avec nous. C'est Top Chrono et c'est le sommaire. Nous aurons du basketball national 1, le SAP brille au centre fédéral. Rugby à 15, l'ASBC à Saint-Jean-en-Royan pour déguster des ravioles. En fédéral 2, non, l'ASBC a joué, mais défaite encore. Football, Monsieur Henri nous parlera des matchs ce week-end. Rallye, championnat de France sur asphalte, Florian Bernardi sur Renault Clio au rallye du Touquet. Retour sur ce premier rallye. Hockey sur glace, rien ne va plus du côté des Castors d'Avignon. L'athlétisme, mais oui, avec Bibi Bougon. Horizon vers 19h15 avec Marie. Et ensuite, en focus, nous recevrons ce soir le club de Perne de handball. Voilà, qui nous rejoindra dans quelques minutes. On sera avec lui, on parlera bien sûr du handball. Est-ce que, messieurs, dames, vous êtes prêts à décoller pour 1h30 de sport avec la Dream Team, qui est presque au complet, parce que le seul qui n'est toujours pas là, c'est celui-là qui n'a pas de mot d'absence, c'est monsieur Didier Bougon. Vous êtes d'accord avec moi? Et Henri. Allez, on y va. Top chrono, basket. Allez, on va parler un petit peu du basket. Si vous êtes passé du côté de Central Fédéral, c'était la Nationale 1. On jouait la 29e journée de championnat en Nationale 1. Le SAP Avignon-Sorgue. Ils ont gagné, mais alors ça a été compliqué encore. Hein. Jean-Yves, toi? Ben ouais, Fred, ça a été compliqué, comme d'hab d'ailleurs, pour le SAP contre le Central Fédéral. L'avantage, c'est que ce coup-ci, ils ont gagné à l'extérieur. Donc et c'est une victoire qui fait du bien au championnat. Je suis un petit peu médisant. Je m'excuse pour... c'est juste une, comme on dit, une moquerie gratuite. Ils gagnent tous, non, dans le fédéral. Ouais, ils gagnent tous, mais si tu remets les choses en perspective, Fred, au match aller à Avignon, au COSEC de Saint-Chamond, non, ça s'appelle Moretti maintenant, peu importe, le SAP s'était imposé d'un point face au Centre Fédéral, et ils avaient éprouvé toutes les peines du monde à ne pas exploser à la fin. Donc là, on va considérer que par les temps qui courent, avec le début de championnat, etc., cette victoire à l'extérieur, eh bien, compte comme une vraie victoire à l'extérieur. Bien sûr que dans l'optique du panier average, puisque ça s'appelle comme ça, ça aurait été bien de leur filer 40 points d'écart. Mais en tout cas, ben c'est une victoire, il y a 9 points d'écart, tant mieux. Ça permet au SAP d'Avignon de se replacer dans la zone des non-qualifiables, des non-relégables. Attention, on va se faire des amis ce soir. Tiens, on va voir avec Marie le résultat de cette 29e journée de championnat de National 1. Alors, Lorient Saint-Vallier, 81-64. Jet Vosges, Caen, 72-69. Centre fédéral Grand Avignon Sorgue 61-70, Vitré Tarbes Lourdes 74-78, Griès Oberhofen Chartres 87-97, Chaland Andrézieux 102-88, Rueil Angers 84-82, Orchy Rennes 81-67 et enfin Quimper Souffelway 80-52. Caen est premier, Grand Avignon Sorgue est 13e sur 18. Voilà, bien pour les résultats de cette Nationale 1. Jean-Yves, deux mots encore sur cette Nationale 1 pour voir que, bon, ben il se passe bien des choses. Ouais, il se passe des choses. C'est vraiment un championnat terrible parce que entre le 7e et le 17e, il y a 5 points d'écart. Donc ça veut dire que, on l'a déjà dit pour ce championnat, mais une victoire te met presque à l'abri. La semaine d'après, tu as une défaite, ça te plombe le championnat. C'est pour ça que cette victoire au Centre fédéral, bien sûr que tout le monde y gagne, bien sûr que... Mais là, en ce moment, elle arrive à point nommé, cette victoire, parce que ce sont les quatre derniers qui descendent, on va dire les cinq, puisque le Centre fédéral est épargné. Quoi qu'il arrive, ils ne descendront pas. Donc, à partir du 14e, 14, 15, 16, 17, ça descend. Donc, aujourd'hui, Avignon est 13e. 42 points, un point d'avance sur Lorient. Et il va falloir tenir ce truc-là, sachant que le SAP reçoit ce week-end. Oui, il reçoit ce week-end et en plus, il va falloir être, comme on dit, on parlait ce week-end. Maintenant, les formations, bien malheureusement, on va savoir si le foncier a travaillé et si le physique va tenir face à des matchs qui vont être à couperer. Et c'est là que la différence va se faire. Ben ouais, on a déjà vu Avignon avec le capot ouvert. Ça va se faire au physique et ça va aussi se faire pour partie au mental, Fred. Mental aussi, ouais. Et ces matchs-là, on les gagne au mental. Alors on sait que les Avignonnais sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sont en réaction. Enfin, les Avignonnais, les joueurs du SAP, sont jamais aussi forts lorsqu'ils sont un peu acculés. C'est le cas. Ils doivent absolument remporter cette victoire-là pour encore franchir un palier dans la course au maintien. Et pourquoi pas, peut-être que le maintien pourrait être rapidement assuré. Alors, toi qui es incollable, est-ce que des fois tu saurais peut-être le futur match des... Oui, je l'ai su et je t'avoue que là, d'un coup, ça m'échappe. Ouais, voilà, c'est toi. Non, très honnêtement, là, je m'en souviens plus. On va le regarder puis on le communiquera juste un tout petit peu plus tard dans l'émission, aussitôt que je l'aurai retrouvé, Fred. Eh bien, c'est parfait. On va continuer bien sûr ces résultats avec la Ligue de Provence. Vous savez qu'en pré-national masculine, c'était les deuxièmes phases. Il y a les play-offs et il y a les play-down pour ne pas descendre. On va prendre plutôt les play-offs puisqu'il y a perdu à l'intérieur. Alors, pour les play-offs, La Ciotat Saint-Marcel, 73-47. Rognona Istres, 75-40. Cabriès Aïroussé, 61-58. Entraigues Pernes, Sapela Basket 2, 67-54. Aïroussé est premier. Et Entraigues-Pernes se situe 5e sur 8. Les play-downs ? Oui, les play-downs pour ne pas descendre. Tarascon, Haute-Provence, 63-72. Rognac, Briançon, 63-37. Vallée de l'Arc, Aubagne, 45-55. Et Marseille, Les Angles, 69-77. Les Angles est premier. Et Aubagne, second, sur 8. Alors, cette Ligue de Provence nous révèle beaucoup de choses. La première chose, c'est que les Angles, eh bien, peut-être sont trompés un petit peu en début de championnat, dans cette Ligue de Provence pré-nationale. Puisque, bon, on voit que dans la deuxième phase, ils vont rester tout compte fait au niveau de cette pré-nationale, tandis que Entraigues, qui espérait faire, on va dire, le saut en avant en passant en national, eh bien, peut-être pour l'instant, il faudra attendre encore quelques journées, mais pour l'instant, ils risqueraient de rester dans leur division. Et on avait bien sûr nos féminines de la Barbière qui brillent, qui ne cessent de briller, les résultats, peut-être avec Marie. Alors, Grand Uspeg Marseille. Pas de communication. Golgoth, Laragne Gap, 43-47. Avignon Barbière, Tarascon, 57-37. Avignon Barbière est premier sur 12. Voilà, merci Marie. Voilà le plus grand bien de cette équipe d'Avignon. La suite. Top chrono, rugby à 15. Eh bien, rugby à 15, on va y rentrer dans le vif du sujet. Tandis que notre ami Didier Bougon est arrivé, on se fait juste une aparté. Pour lui dire si tout va bien et le GPS qui a été à point nommé efficace, tu as pu retrouver les studios, tout cela, et bien sûr, sympathique. Sympathique, mais bon, quand on dit que le travail c'est la santé, qu'il soit 6h ou 6h30 quand on quitte le travail, c'est le principal. Et c'est mon Dieu, que cet homme est grand, il travaille. Par contre, je vois qu'il y en a qui en ont bien profité dimanche sur l'aspect culinaire. Hein. Disons qu'on était là. Dis-moi, on a travaillé, nous, dimanche, pendant que toi, tu faisais rien. Moi aussi, j'ai profité de voir une très belle course. Oui, exactement. Et regardez surtout les féminines au niveau du jambier. Hein, on connaît la chose. J'ai pas eu le temps, non, j'ai pas eu le temps. Alors que nous, au resto, question féminine, c'était assez peinard quand même. J'ai fini très tard, je peux vous dire dimanche. Allez, revenons plus sérieux au rugby à 15. Et on va rester bien sûr dans la fédérale et surtout la fédérale 2 pour le 4. On va y revenir dans les résultats. Et bien sûr, Bédari, dans la SBC, qui s'est passé du côté de Saint-Jean-en-Royan. Pour une place, on va dire, au soleil, parmi le podium de cette poule 4, c'est l'avant-dernier match, c'est la 15e journée. Marie, les résultats, sachant que Château-Renard était exempt. Alors, Saint-Raphaël-Fréjus hier, 5-16. Saint-Jean-Royan-Bédarry-Château, 22-10. Tricastin-Montélimar, 34-23. Voiron-Nice, 20-27. Hier est premier, Saint-Jean-de-Royan, 3e. Et Bédarry, des 5e sur 9. Voilà, alors déjà, on a un petit peu, Jean-Yves, on va revenir bien sûr sur ce match qui a été, on va dire, une mi-temps chacun. On a trouvé de très bons moments pour la SBC, surtout en première mi-temps. Des choses qui étaient abouties puisqu'ils menaient au score. Ils ont même rejoint les vestiaires, menés au score. Puis en deuxième mi-temps, ça s'effrite un petit peu en milieu de deuxième mi-temps, mais ça s'écroule pratiquement presque jusqu'à la fin. Ouais Fred, le mal récurrent de la SBC pour cette saison. Une grosse entame, souvent. Une première mi-temps plutôt sympa. Et là, hier, c'était plus que sympa, puisqu'on a retrouvé vraiment pendant une mi-temps une équipe de la SBC qui a fait du bien, qui a fait plaisir à avoir joué. Ils ont produit du jeu, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis du volume, ils ont tenté des trucs qu'on leur avait pas vu tenter depuis quelques temps. Et même en direct, on le disait, on a eu même tendance un petit peu à s'enflammer. Et puis voilà, ça explose physiquement autour de la 45e, où là on les voit, les mecs reviennent du vestiaire. Ils n'ont pas récupéré de leurs efforts produits pendant les 40 premières minutes. Et puis, ça enchaîne des erreurs, des fautes, des erreurs de jugement. Et puis, on offre des pénalités à l'adversaire parce que ça manque de lucidité un petit peu. Parce que quand tu es à le capot ouvert, forcément, tu fais un petit peu plus de fautes, tu te replaces moins, etc. Et puis en face, il y avait un botteur, ce bord qui était juste extraordinaire, qui a enquillé la bagatelle de 17 points, me semble-t-il. Oui, exactement. Et voilà, alors il a enquillé dans tous les coins, et les joueurs de la SBC lui ont offert l'occasion de briller pendant une mi-temps. Voilà, alors Saint-Jean-Royan a gagné, mais déjà j'aimerais leur donner quand même le point de bonus amical, en plaisantant, puisque j'ai admiré les supporters de Saint-Jean-Royan. Pendant que la SB Larry les mal menés sur le terrain et menés au tableau d'affichage, il n'y a jamais eu, on va dire, des mots colorés aux couleurs du printemps. Donc on peut bien, disons, se targuer ici dans le Vaucluse. Quand un adversaire mène au score, on sait un petit peu être, on va dire, très coloré, mon cher Jean-Yves. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? C'est pour ça que j'ai bien aimé cette mentalité de Saint-Jean-Royan. Ouais, Saint-Jean-Royan, c'est le rugby qu'on aime, Fred. C'est un stade campagnard qui a une particularité, c'est que la ligne d'en-but d'un côté et la ligne d'en-but de l'autre, il y a une déclinaison d'un bon mètre, me semble-t-il, ouais, ou pas loin. Ouais, plutôt 3 ou 4 mètres, ouais. Et c'est un stade qu'on connaît depuis, qui a toujours été comme ça. C'est un stade qui est en pente, alors il faut pas se rater avec ça. Et puis voilà, c'est la montagne, c'est la campagne. Les mecs viennent au stade pour se régaler, pour voir du jeu, pour voir. Et puis effectivement, on a été accueillis comme des rois. On a eu, on était particulièrement bien placés. Tout à fait. Ils sont à notre disposition. Ils ont été très heureux de nous avoir sur leur stade, leur faire comprendre que le rugby c'est ouais. ça. Alors après, au-delà de ça, les joueurs de Saint-Jean-Royan, il ne faut pas non plus galvauder leur victoire parce qu'ils sont invaincus sur ce stade depuis 3 ans maintenant. Alors moi, je te propose d'écouter Monsieur Armand, l'entraîneur de cette équipe de Saint-Jean-Royan, et vous allez voir que c'est vrai que ça sent le rugby, comme on dit, de clocher, comme on aime ça du côté de l'ASBC, on y reviendra juste après. On est avec Yannick Armand, une première mi-temps à l'avantage de la SBC. Saint-Jean, en voyant, s'est réveillé. Je crois que le coup de soufflon à la mi-temps, comme on connaît dans le monde rugbystique, a fait effet. Ouais, je crois. On fait une deuxième mi-temps plus cohérente, avec plus d'envie, moins de fautes de plaquage, un peu plus de cohérence et d'alternance dans le jeu. Et Bédarid a eu la première mi-temps, nous on a eu la deuxième, et au total, ça fait un avancé au score. Mais il fallait pas qu'ils prennent le bonus. Donc là, tout est gagné. Donc si on gagne Fréjus, on finira troisième. Bon, après, on aurait préféré finir deuxième pour avoir 15 jours de repos, parce qu'on n'a pas on n'est pas une grosse écurie, donc on n'a pas un gros effectif. Donc on sait que d'enchaîner les matchs comme ça, ça va être dur. En plus, on risque de prendre pire latte. Donc ça sera pas facile. Par contre, le Nice-Bédarid va être chaud. Déjà, on voit que vous êtes au courant, Nice-Bédarid, ça va être chaud. Mais monsieur Jean Royan, faites partie un petit peu du Giron des phases finales. On vous connaît plus, ça me fait le ras le bé, parce qu'il y a déjà un titre. Ouais, déjà deux titres. Deux titres, pardon. Ouais, deux titres. Et, mais c'est vrai que bon, nous cette année, avec ce barrage retour à la maison, ça sera peut-être mieux pour nous. Ensuite, après, on va coupler avec l'autre poule si on arrive à passer Pierre Latte. On peut passer quelques tours, parce qu'on a une équipe, on est un peu comme Béda, on a quand même pas mal de blessés. On risque de les récupérer rapidement. Et donc, je pense que sur une fin de saison, en faisant des matchs retour un peu chez nous à la maison, avec un stade qui sera bien garni, je pense qu'on peut faire une surprise. Ça analyse un petit peu cette saison qui a été un petit peu compliquée. Hein. Saint-Jean a été toujours, on ne savait pas trop où se situer parce qu'il y a eu des matchs qui ont été annulés, des matchs qui ont été remis. Et puis, on arrive en fin de saison, on vous retrouve dans les phases finales. Ouais, c'est bien. Attention, on a un petit village, hein, 3000 habitants, on est couplé avec personne. On finit troisième de poule dans une poule, moi je trouve, qui est très relevée. Hein. On a quand même des équipes comme Yerkerkera de Nice qui sont quand même très cohérentes. Béda, s'ils n'avaient pas eu ses blessures, je pense qu'ils avaient quand même une sacrée équipe. On prend Château quand même, qui a de la jeunesse, qui a de l'enthousiasme, ce qui est bien. Donc nous retrouver troisième dans une poule comme ça, c'est bien. Donc tout est bénef. Mais après, c'est vrai que à l'extérieur, on est trop léger parce qu'on fait partie des plus petits packs. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on a du mal à gratter des points. On a pris que des bonus défensifs, sauf à Béda. Mais par contre, à la maison, on est intransigeant. Hein. On fait partie des trois équipes avec Béda et Yerkerkera n'a pas avoir perdu à la maison. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Mais bon, on est un petit village qui vit encore. Et quand on parle du rugby amateur, quand on parle des valeurs du rugby, je crois qu'on est encore là-dedans, nous. Hein. On essaye d'exister. Moi, quand on voit Nice et Yerkerkera, pour moi, c'est plus du rugby pro avec toutes ces équipes là comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est bien ce qu'on fait parce qu'on a vraiment un groupe en plus avec des joueurs locaux, donc c'est quand même assez extraordinaire la saison qu'on fait, parce que la poule du sud, on sait très toujours que c'est raide quand même. Hein. Vous êtes de Saint-Jean, oui. Oui, moi je suis de Saint-Jean, ouais. Ouais, je suis de Saint-Jean, ouais. Ouais, tout à fait. Alors ça parle de l'entraîneur aux joueurs, aux dirigeants, tout, c'est tout Saint-Jean. Voilà, ouais, nous, ouais, je suis de Saint-Jean, j'ai joué à Saint-Jean, enfin après je suis parti un peu. Je suis prof à côté là, et c'est vrai que faire vivre ce petit village comme ça, là, alors je sais pas quand c'est jusqu'à quand on va pouvoir exister, parce que maintenant c'est quand même de plus en plus difficile. En plus la Fédé ne va peut-être pas prendre en compte les licences blanches l'année prochaine. Donc pour nous c'est dramatique, parce que si tout le monde peut recruter n'importe quoi et n'importe comment, c'est la fin du rugby amateur, quoi, je veux dire. Alors que la porte, son cheval de bataille, c'était justement l'inverse. C'était justement de favoriser les petits clubs, et s'il fait ça, je crois que ça va nous tuer, quoi. Merci. Voilà, on vient un petit peu avec ses propos. 30 secondes, Jean-Yves, pour dire que cet entraîneur, c'est Jean-Royan, et ce club, ben, ils sont charmants, voilà, quoi, ils ne se prennent pas la tête. Hein. Ils jouent au rugby, il y a des résultats, ils sont contents, et ils font tout pour que ça continue. Ouais, et puis il faut un truc que tu sais qui me tient particulièrement à cœur, Fred, c'est de la formation. Ah, c'est terrible. Ces gamins, ils sont de Saint-Jean-Royan pour la plupart, l'entraîneur te l'a dit, le président, etc., etc., ils sont tous de là. Ils se barrent. Parce qu'à un moment, ces gamins, ils ont envie d'aller jouer au niveau dessus, mais ils reviennent à chaque fois. Ils reviennent. Tant et si bien que ces mecs-là, c'est des licences blanches. Oui, 48 licences blanches, je veux dire. Alors si, deux équipes. Ouais, alors si tu as ces mecs-là, ils restent au club, machin. Le seul problème, c'est que comme le dit l'entraîneur, pour la saison prochaine, il y a un projet de loi à la Fédé qui tend à simplifier les démarches administratives. Ça va dans le bon sens. Parce que les clubs sont emmerdés avec les couleurs de licence, les rouges, les blanches, les roses, les violettes, les ce que tu veux. Là, la Fédé veut supprimer ces histoires de licence. C'est une bonne chose pour 95% des clubs. Mais pour des petits clubs comme Saint-Jean-Royan, qui gardent leurs mecs parce qu'ils les font jouer en première, eh ben, ça risque de les pénaliser. On l'a vu hier, on a vu des entraîneurs de clubs voisins de nous qui viennent déjà faire leur marché en se disant si l'année prochaine les licences blanches disparaissent, ces becs-là, on pourra les prendre. Et on en a vu une paire qui était pas mal. Hier, on en parlait hors antenne. Mais cet ouvreur, la Bord, Bard, qui était juste extraordinaire. On a vu une seconde de ligne, Tedesco. Tous ces mecs-là, le jour où tu as pu ces histoires de licence blanche qui te protègent les clubs, eh ben, ces mecs-là, ils vont se barrer. Et quelque part, ils auront raison. Parce que quand Saint-Jean-Royan leur file 200 euros par mois parce qu'ils restent au village, eh ben, Château-Renard pourra leur filer 1000 euros. Donc, pourquoi pas. Allez, on reviendra après avec la SBC. On passe à la pub juste avant.